collègues qui peuvent aller avec la camarade. Alors là, visiblement, c'est une heure de prise de service parce qu'il y a quand même pas mal de voitures qui commencent à arriver. Des très... quelques très belles voitures et une majorité de voitures moins belles. Voilà. Ils auraient mis, je ne sais pas parce que. Je suis CHU. Je crois que c'est le même prix. Parce que CHU, c'était 6h, 6h15, 6h30. Ça doit être ça. 8h. 8h30, 9h, on avait tous les horaires. C'était flexible. Toi, voilà. Tu travaillais au CHU ? Oui. Ouais. Tu y travailles plus parce que... Je suis à la retraite. À la retraite. Okay. Ton prénom, c'est quoi ? Au souci, tu veux pas dire. Je peux y aller, c'est une radio association. Ah oui, c'est une radio. Diana. Ok. Et du coup, tu es à la retraite, mais tu es bien occupée le matin aux aurores puisque tu viens sur les blocages. Oui. On peut pas être étrangère à ce qui se passe à l'hôpital. Mais quand même, la santé, c'est primordial. Tous les attaques qu'il y a actuellement, c'est quand même... On ne peut pas rester indifférent, même si on est à la retraite. Et puis par rapport aussi à la réforme de retraite, la pénibilité, le travail... etc. Tout ça. Le manque d'effectifs dans les hôpitaux, je connais depuis ça a commencé à se dégrader depuis l'année 2000 à peu près que ça a commencé. Bon, ils ont mis en place la T2A, plan hôpital 2003, après 2007. La tarification à l'activité. Voilà. Là, ils demandaient de plus en plus des actes, puis fermeture des lits, après fermeture des unités. Mais fermeture des unités et tout, mais quand ça bouchait aux urgences, il fallait bien ouvrir des lits, une catastrophe, avec la même quantité de personnel. Donc, voilà, c'est... Et puis là, c'est encore de pire en pire, quoi. C'est le pas vers la privatisation de la santé, on ne peut pas. Ça, c'est un gros coup vers la population. Parce qu'il y aura deux sortes de médecines. Et c'est ça qui est grave. À Rouen, je trouve qu'on sent déjà bien dans l'agglomération de Rouen. Quand on veut prendre rendez-vous pour des spécialistes, en fait, des fois, c'est quasiment impossible. Il faut aller dans des cliniques privées. Il y a juste là où il y a encore des rendez-vous, quoi. Voilà, c'est... Ils ne sont pas beaucoup d'heures. Ils sont supprimés d'heures pour les spécialistes. Donc, c'est... Ils t'obligent à aller vers le privé. Alors qu'ils pourraient très bien d'avoir laissé le temps d'heures pour les spécialités à l'hôpital. Parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de sous à l'hôpital, mais bon, s'il n'y a pas de sous, mais s'ils externalisent tous les services, c'est normal qu'il n'y ait pas d'argent. On vide les caisses. Mais on vide les caisses de l'hôpital et on vide les caisses de la sécurité sociale aussi. Donc voilà, c'est pas logique. Merci. Merci à vous.